Wesh, wesh. Wesh, bio quoi ouais. C'est comment là hein? Ça dit quoi? On vous a pris au dépourvu. Alors hein? Nangueremu. C'est tout ça. Ce qui piaille. Eh ouais, ma gueule. Ce qui parle dans le dos. Frolissant. Épinette. Yeah. 93. Faites-nous place. Ça reste de côté toutes ces théories. Mélange de vodka et de taurine. Grosse météorite. Le rap d'un blanc élevé au riz. J'rappe d'un ovni, j'ai le crâne grillé. Le chant d'un griot, tout est mort. Comme le vol entre Paris et Rio. C'est flambant neuf, la nacelle est nouée. Le coup est brillant, le beat est bouillant. Les keufs me poussent à bout en me fouillant. De qui tu te fous, jette tes caches dans l'évier. C'est pas le vice qui te fait tomber, mais le plan B. C'est trop bancal comme les ruelles de Bangkok. Maintenant les petits apprennent à vivre entre le bloc glauque et la coke. Satisfait quand je viens cracher dans l'écouteur. Ouais, dis pas qu'on m'a rappelé car l'auditeur criait de douleur. Maquiller ton rap, les yeux écarquillés. J'ai un couplet en rap, c'est pour briller. Alors qu'il est, s'il faut crier, j'irai le faire. À gorge déployée, mais pour l'instant la peine, je préfère d'abord la noyer. Ouais, c'est dingue, c'est bizarre. Besoin de faire dérailler le train dans lequel se trouvent des clones. On fait la dip sans faire le gain. Tous à Altesse, cousin. On casse des reins pendant certains sniffs. On charbonne dur pour faire manger la mif. Redémarrer la vie après avoir calé, c'est dur. C'est dur. L'espoir fait vite, mais t'empêche pas de caler. Tout cela, et on a foi en notre équipe. On pense à prendre le butin, y'a nos punchlines qui sortent des tripes. Un tout petit peu égoïste, j'me souhaite la réussite. La fierté des miens, de Dakar à Pointe-à-Pitre, rapide. Il m'en faut que ça vienne vite, là c'est une vie fragile. La poisse gagne du terrain, comme la sécheresse en Somalie. J'passe le salam à mes sales gosses, en précisant. Arrêtons de somnoler, des grosses sommes nous passent sous le nez. Doré mi fa sol, un petit cours de solfège. Car on nous joue de la flûte pour qu'on dorme dans le sous-sol. Là c'est bien pâté, le patois les bien compté. Sur le dos y'a plein de condés, mais comme tes combats va frimer. Moi j'aime les femmes contre la cervelle. De la pudeur et du respect, n'est-ce pas un cours raffiné. Allez ravaler vos langues, MC d'un soir qui dit langue de pute. Dit ça part toujours en sucette. Je me sens d'humeur sicilienne, elle sent la foudre mon haleine. Je reviens d'un stage de X-Men, j'ai de la presse dans la tête. Ouais c'est dingue, c'est bizarre, besoin de faire dérailler le train. Dans lequel se trouvent des clones, on fait la tif sans faire le gain. Tout ça y a test, cousin, on casse des reins pendant certains sniffs. On charbonne dur pour faire manger la mif. Redémarrer la vie après avoir calé, c'est dur. C'est dur. L'espoir fait vite, mais t'empêche pas de caler. Tout cela, et on a foi en notre équipe. On pense à prendre le butin, y'a nos punchlines qui sortent des tripes. Fallait choisir entre la scène, les gros seins, le pizza. J'ai gardé épiné mes couples et délaissé les visages. Fissa, fissa, mes ennemis ont-ils lâché du lèche pendant qu'il neige? J'ai gratté, crois pas que j'arrive avec du lèche. J'ai pris de l'âge, lève le doigt, je vais pas te mentir. Seulement là où je vais le mettre, tu vas finir par le sentir. Accompagné d'un Black Panther, demande aux frères qui t'a choisi entre Altesse et les Altères. On me dit que je suis feignant, mais être noir c'est un taf de ouf. Je suis dans mon fief, faire un j'étouffe. C'est tout vu, je vais mettre tout le monde tapis. Sans sortir le tapé, ça va être dur, on me dira ces mecs doubs. Tant de projets foutus à l'eau. Retrouver la taupe qui jette l'œil et penche l'enculé qui trouve ça rigolo. Je suis qui dirais-je, la haine en quarantaine. Un rappeur pas un héros, la vengeance sur un deux roues. Ouais c'est dingue, c'est bizarre, besoin de faire dérailler le train. Dans lequel se trouvent des clones, on fait la dip sans faire le gain. Tous à Altesse, cousin, on casse des reins pendant certains sniffs. On charbonne dur pour faire manger la mif. Redémarrer la vie après avoir calé, c'est dur. C'est dur. L'espoir fait vite, mais t'empêche pas de caler. Tout cela, et on a foi en notre équipe. On pense à prendre le butin, y'a nos punchlines qui sortent des tripes.